بسم الله الرحمن الرحيم. ففي درس ماضي دخلنا كملنا القاعدة الرابعة من الفصل الثالث بعد التعطيل, ونعطي الفصل الرابع كي شبهات والجواب عنها. Les choses par lesquelles veulent contraindre les gens du ta'til, du ta'wil, les gens de la sunna. En disant, « Iza antum awwaltum hadi nusuz falimazan kartum alayna ta'wilana wa hawla dhalik. » Et après on a dit que le shir a cité que le jawab ala hadha min wajhain mufassal wa mujmal. Général, précise. « Nahnu akhadna al mujmal. » Alain, ça n'a trouvé le mufassal. Il va citer des ahadith, des choses par lesquelles les gens de la bida ont voulu mettre des shubuhat avec la réponse. وهذه الشبهات منها قد مرت بنا في التدمرية. فقال المثال الأول. Premier exemple. الحجر الأسود يمين الله في الأرض. Que la pierre noire, c'est la droite d'Allah sur terre. والجواب عنه, yani ils veulent faire croire que Hajar al-Aswad c'est une sifat d'Allah. Genre ils veulent nous contraindre à dire que si on prend à la zahir, on doit dire que le Hajar al-Aswad c'est une sifat d'Allah Azza wa Jal. Donc la réponse, anu hadithun batilun yathbutu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qala Ibn Jawzi fi al-'ilal al-mutanahiya hada hadithun la yasah wa qala Ibn al-Arabi hadithun batilun lam yultafat ilayhi wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معنى. Donc le hadith, comme les ulama l'ont dit, il est batil. ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Comme l'a dit Ibn Arabi, il n'y a même pas le regarder, le hadith. Donc le hadith, à partir du moment où il est qui n'est pas authentique, il n'y a même pas lieu de s'y attarder. قال لكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومن تدبر لفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه وإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. Donc maintenant il dit que ce athar, ce qui est connu, c'est qu'il est rapporté d'Ibn Abbas. Et même ce qui a été rapporté d'Ibn Abbas, Ibn Abbas a été كذلك critiqué. Dans le sens que Adam yathbut anhu. N'empêche que ce qui a été rapporté d'Ibn Abbas, c'est un autre lofz qui dit que la pierre noire, c'est la droite d'Allah sur terre, et que celui qui la touche, à la base, safaha, c'est le fait de serrer la main, on connaissant comme ça, mais c'est le fait de la toucher, ou qu'il embrasse, c'est comme s'il avait serré ou embrassé la droite d'Allah, Azza wa Jal. Donc là, le lofz rapporté d'Ibn Abbas, il n'y a pas de problème dedans, car il dit bien, c'est précisé, yaminullahi fil ard, donc il y a un taqid, c'était conditionné, c'est pas yaminullah mutlaqan, dans l'absolu. Donc cela veut dire que cela n'est pas la yamin d'Allah Azza wa Jal mutlaqan. قال وهذا صريح في ان المصافح لم يصافح يمين الله اصلا ولكن شبه بمن يصافح الله فاول حديث واخره يبين ان الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. Ça c'est le kalam du Shaykh al-Islam Majmou al-Fatawa. Donc maintenant il est clair qu'il a comparé que celui qui touche cette pierre noire qu'il embrasse, c'est comme si il avait fait cela avec la droite d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un tashbih. Quand même c'est une comparaison. Cela ne veut pas dire qu'il a touché la droite d'Allah Azza wa Jal, mais c'est comme s'il l'avait fait. Donc on ne peut pas dire que la pierre noire soit Nsifat d'Allah, Azza wa Jal, comme voudraient nous y contraindre les gens du Ta'wil. Car c'est quand même de Shaykh al-Islam, non, majmou al-Fatawa. Al-Mithal al-Thani, قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. صار يبقي دون تلمورية كذلك. Que les cœurs des ibad sont entre deux doigts parmi les doigts du Rahman. Donc là, il veut faire quoi? Qu'il y a un hulul, c'est-à-dire qu'Allah est dans sa création et qu'il y a contact. Humassa. الجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في باب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Donc ça c'est un hadith authentique rapporté par Muslim. Le hadith qu'on a vu, que les couloubes des fils d'Adam sont tous entre deux doigts des doigts de Rahman, comme un seul cœur, et qu'il les retourne comme il veut. Après, il a fait du'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Allah, yani, tourne nos cœurs, ô toi qui retourne les cœurs, tourne nos cœurs sur ton obéissance. C'est-à-dire, faire en sorte que nos cœurs soient dans ta Torah. Quand akhadha salaf, ou salaf, أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن الله تعالى إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون ممسة لها. Donc les salafs, ils ont pris selon l'apparence du hadith, bien évidemment, ils ont affirmé que Allah a des doigts. Réellement, on les affirme comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a affirmés. Et cela n'implique pas que les couloubes des Bani Adam, s'ils sont entre deux de ses doigts, qu'ils les touchent, qu'il y ait un contact. Hatta yuqalu inna hadith muhimu lil hulul fayajibu sarfu an zahirihi. Fahadha, pour ne pas justement dire qu'il y a le hulul, c'est dire que Allah est dans sa création. Donc ce qui nous force à interpréter le hadith. Sortir de son apparent. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء والأرض ولا الأرض ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينها وبينها وبينهما فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم من ذلك ممسة ولا حلول. Donc on dit la parole du hadith n'implique pas ce que ces gens-là veulent nous contraindre à dire. Il dit, مثلاً, les nuages sont entre les cieux et la terre. Et est-ce que pourtant les nuages touchent la terre? Est-ce qu'ils touchent le ciel? Là. Il dit également, Badr, c'est entre Mecca et Médina. Et pourtant, il y a une grande distance entre les deux. Ça veut dire que Badr est en contact avec Médina ou avec Mecca? Là. Mais il est entre les deux. Donc, on dit que les Kouloub sont bien entre deux doigts du doigt de Rahman. Et cela n'inclut pas du hulul, ni al-mumassa, le contact, ni que Allah est dans sa création. Al-mithal al-thalith, troisième exemple. Inni ajid nafas ar-Rahman min qibl al-Yaman. Je trouve le secours d'Allah en direction, depuis la direction du Yémen. Là, c'est une mas'ala qui demande une ma'alifa dans la langue arabe. Car le mot nafas, ma'ani nafas, le souffle. Voyati bi ma'ani ukhra, comme c'est yadhkuruha al-shaykh. Donc ils vont dire quoi? Que Allah, forcément, s'il a un souffle, c'est qu'il est, intérieurement, il est creux. Et que son souffle a une direction. C'est-à-dire la direction du Yémen. Tayyib, hada. Et bien évidemment, min surat al-ikhlas, yuqal. فيه الصمد قل هو الله أحد الله الصمد الصمد et le samad parmi ses tafasir c'est celui qui n'a pas de jauf, celui qui n'a yani, qui n'a pas d'intérieur vide. Donc déjà ça refute leur compréhension. الصمد الذي لا جوف له, il n'a pas de jauf, intérieurement il n'est pas creux, contrairement à l'insan. Nous intérieurement on est creux, on a des choses à l'intérieur. Allah Azza wa Jal c'est كذلك. قال الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الأيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. Le hadith est apporté par l'imam Ahmed selon Abu Huraira, et même un hadith similaire venu de chez Bukhari le Muslim, qui dit, n'est-ce pas que la foi est yéménite, et que la foi est yéménite, la foi est yéménite, et que la sagesse est yéménite à Fouan, et que je trouve le secours de votre Seigneur depuis le Yémen. Wa qala fi majmou' al-zawa'id, ومجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير الشيب والشبيب نعم عفوا غير الشبيب وهو ثقة قلت وهكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير وهذا الحديث ولا ظاهره. Donc après cita justement que le hadith, tous ces hommes du Sanad sont des hommes du Sahih, c'est-à-dire du Sahih Bukhari et Muslim, à part Shabib. Et Shabib, malgré tout, les thiqa, comme cela était rapporté. Après, il dit Al-Nafas fihi ism masdar. Min nafas yunafisu tanfisan. Mis farraja yufarriju tafrijan wa farajan. Hakada qala ahl al-lugha. Kama fi al-nihaya wal-kamus wa maqayis al-lugha. Wa qala fi maqayis al-lugha Al-Nafas kulu shi'in يفرج به المكروب فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. Donc nafas, c'est un ism masdar. C'est quoi ism masdar? C'est un masdar qui sort du wazn d'origine du fi'l. Les afal, ils ont des awzan. Et les masadir, ils ont des awzan qui sont relatifs à des verbe en particulier. Et celui-là, il sort de la base. À la base, nafas, c'est censé être le masdar de nafasa yunafisu. Tanfis. Ce qui vient à la wazn fa'ala yufa'ilu, son masdar, c'est taf'il. Et là, nafas, il sort du wazn taf'il. Il vient à la wazn fa'al. Donc on appelle ça ism masdar. Mais à la base, il revient à quel verbe? Nafasa yunafisu, qui veut dire soulager. Comme mathalan, فرج يفرج تفرج. Et on prend également comme masdar de فرج يفرج فرج فرج. C'est un masdar de فرج يفرج. Son verbe à la base, c'est نفس النفس. Et le masdar officiel de نفس النفس, c'est تنفس. Mais نفس est également un masdar de نفس. Mais comme il sort du wazn de base, on l'appelle ism masdar. On l'appelle ism masdar. Le verbe, on m'a dit, c'est nafasa. Nafasa. Naam. Comme farraja. Donc là, le sens n'est pas souffle. C'est tout simplement secours. Le sens n'est pas souffle, mais tout simplement secours. Comme nous citaient les gens du Lora dans les Kawamis. Donc ça veut dire quoi le hadith? Que le secours d'Allah Azzawajal, pour les mu'minines, vient d'où? Des gens du Yémen. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا للأمصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات مجموع الفتاوى qu'il a dit justement que ces gens-là du Yémen, ce sont ceux qui ont combattu les gens de la Ridda à l'époque de Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu et qui ont conquis les pays par la suite. Donc le secours d'Allah est venu par ces gens-là, ce sont les gens du Yémen. وكذلك قيل انه انهم اهل المدينه les premiers gens de la Médina, les Ansar, qui étaient à la base des Yéménites. C'était des Yéménites à la base. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a trouvé le secours après qu'il a trouvé la shidda des gens de Mecca, il a trouvé le secours عند من عند الانصار واصلهم من اليمن. اصلهم من اليمن. Donc ça rod à la shubuhat de ces gens-là. قال المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء. كونسويت قال الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين. أن لأهل السنة في تفسيرها قولين ما علاقة قولين قولين سكوا سنة علاقة قولين بقول لي لا avec un ya ما تعلم أن لأهل السنة في تفسيرها قولين سيسم أن سيسم أن نعم منصوب parce qu'après il vient quoi après أن لي أهل السنة Ça c'est Khabar Anna Mukaddam. Là, l'ism Anna c'est Kaulein. Il était Mu'akhar, retardé. طيب. Là, par exemple, Kazalik, c'est là, j'ai parlé avec l'oral arabia, le tarjamatou, elle est sabissé. C'est la langue arabe pareil, ça n'apparaît pas en français. Donc, il y a deux réponses, il y a deux tafsirs à ce verset. Ahaduhuma, Annaha bima'na irtafa'a ilis sama. Là, ma'na istawa, ma'na qu'il s'est levé. Wa wallazi rajjahahu Ibn Jarir, qala fi tafsirihi, ba'dan dhakara al-khilaf, wa awla al-ma'ani biqulillahi ta'ala, thumma istawa ila samai fasawahunna, ala alayhinna, wartafa'a, fadabbarahunna biqudratihi, wa khalakahunna sab'a samawat. Que Allah s'est levé au-dessus des cieux. Qui les a créés par la suite et les a façonnés. Et il dit que lui, c'est le tafsir qui est prioritaire. Wa dhakara al-Barawi fi tafsirihi. Qawl ibn Abbas wa akthar al-mufassiri al-salaf zalika tamassukan bi zahir lafz istawa wa tafwidan al-ilm kayfiyat hada al-irtifa' ila Allah azza wa jal. Al-Barawi dit كذلك comme l'a dit ibn Abbas que la plupart des mufassirin ils ont pris l'apparent selon l'apparent istawa qui veut dire à la base c'est levé mais ils disent quoi Le comment, on ne sait pas. Adawal Kol al-Awwal, c'est le premier tafsir. Al-Kol al-Thani, Anna al-Istiwa, Huna bima'na al-Qasd, al-Tam. Wa ila hadha al-Kol, Zahaba ibn Kathir, fi tafsir surat al-Baqara, wal-Baghawi, fi tafsir surat Fussilat. Donc le deuxième call, yana stawa, c'est le sens de vouloir, viser quelque chose. Lorsque stawa est bien avec ila, il veut dire cela. Quand il est muta'addi bi harf jar, ila bi ma'na qasada. C'est le call cité par Ibn Kathir, et également le Baghawi. Quand Ibn Kathir, ay qasada ila as-sama wal istiwa ha huna dhaman ma'na al-qasd wal iqbal, li'annahu Oudiya bi'ila. Comme on vient de le dire là, il a dit Ibn Kathir, le sens là de istawa, l'istiwa, ça, c'est le sens de qasada et l'ikbel. C'est consacré et visé. Qual al-Barawi, ay amada li khalki s-sama. Kazalik. Qual mutakarib, al-Barawi. Qual, wa hada al-qawl laysa sarfan al-kalam an zahirihi. Wa zalika li anna al-fi'l istawa. اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل الى معنى يناسب الحرف المقترن به donc il a dit maintenant le fait de dire ce sens là qasada et iqbal c'est pas une chose qui est sortie de son sens d'origine car à la base le verbe istawa ici il a été rendu mutaaddi par harf jar ila qui a sens d'aboutissement et c'est ça qui convient c'est ça qui convient c'est pas comme s'il avait été dit istawa ala frotter avec ala la canabi معنى اخر là c'est ila mais ça te dit tu coule مثلا اذهب الى مكان كذا je vais à tel endroit ça amène un sens de quoi de viser que tu vises tel endroit hadahu ala tara ila qouli llahi ta'ala aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunha tafjira حيث كان معناها يروي ويروى بها عباد الله لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروي فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام Donc il dit مثلاً dans le verset عينين يشربوا بها عباد الله. عينين, à la base tu bois pas avec une source, mais tu bois avec un verre. Donc là c'est le sens de rawa. Là le sens de rawa par rapport au harf jar qui vient derrière. Mais là, Rawa, je ne sais pas quel sens il veut citer par là. Ouna, Rawa, elle a dit qu'à la Oushir, mais Allah a l'aimé le ma'ana ouna. À la base, Shariba yashrabu, si on met bi, c'est pour en parler pour un outil. Ashrabu bi al-kes, bi al-koub, bi al-ina, mathalan. Tu ne dis pas Ashrabu bil-ma. فمعنى هذا أنه يأتي بقصد آخر لكن كما ذكرت لك هنا معنى روى في ما ذكره الشيخ الله أعلم بالمراد به. Je ne pourrais pas te répondre plus. عندك طبعا نعم نعم صوتي سا يشربوا منها pour dire tu bois de la source, ça aurait été avec min, mais là avec bi قال لكن لم يدل على ري ثم انه يلزم من هذا يعني مع ضعف الدلاله يلزم ان أن تؤول الحرف إلى معنى حرف آخر فتؤول الباء إلى معنى من. ما معنى الذي ذكر؟ أيوة طيب جزاك الله خير. هنا روى معنى أغوزي تلفت أغوزي. نعم أحسنت. لك لا روى c'est pas le sens qu'on connaît comme en fait rawaya de hadith ou quoi, c'est le sens d'arroser. Yarwa. Ahsant. Donc en effet, yarwi, yani, tu arroses par la source. Mais si ça avait été le fait d'en boire, ça aurait été min. Yashrabu minha. ثم قال المثال الخامس والسادس الآن سيذكر ماذا؟ مسألة المعية. نأخذ البداية لأنها طويلة, نأخذ البداية ثم نكملها غدا إن شاء الله في الدرس القادم. نحن بجوز lire على بعض الكلام الشيخ الواضح ونترجم ما استطيع من المعاني. قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم إنما كنتم, وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. في سورة الحديد الله عز وجل dit il est avec vous où que vous soyez. Dans le Mujadala il dit et pas moins de cela, c'est-à-dire de 3 ou de 4, ni plus, sans qu'il ne soit avec vous ou avec eux où qu'ils soient. Donc là, ça fait croire quoi? Que Allah est dans sa création avec nous. Ils veulent nous imposer de prendre la selon l'apparence de dire cela. Wal jawab an al kalam fi hatin ayatin haqqu al haqiqatihi wa zahirihi lakin ma haqiqatuhu wa zahiruhu. Donc maintenant on prend le kalam son sa haqiqa et son apparent. Mais maintenant quelle est sa haqiqa, c'est quoi son apparent? C'est ça qu'il faut comprendre. Hal yuqalu anna zahirahu wa haqiqatuhu anna Allah ta'ala ma khalqihi ma'iyya taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim. Est-ce que cela veut dire que Allah est dans sa création d'une ma'iyya? Ma'iyya, c'est le fait d'être avec. Ça vient de ma'a. Qui implique que Allah est mélangé à sa création dans leur lieu. Ou yuqal inna zahirahu wa haqiqatahu anna Allah ta'ala ma khalqihi ma'iyya taqtadi an yakuna muhitan bihim ilman wa kudratan wa sam'an wa basara. وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. Ou alors, est-ce que ce zahir, cet apparent, veut dire que Allah est avec sa création d'une ma'iyya qui veut dire qu'il les entoure, qu'il les cerne avec sa science, avec sa kudra, sa capacité, avec son oui, avec sa vue, avec son contrôle, avec son autorité. Tout ce qui est lié à sa rububiyya, tout en étant au-dessus du arsh. Lequel des deux ? قال لا ريب ان القول الاول لا يقتضيه السياق لا يدل عليه بوجه من الوجوه وذلك لان المعيه هنا اضيفت الى الله عز وجل وهو اعظم اجل من ان يحيط به شيء من مخلوقاته ولان المعيه في اللغه العربيه التي نزل بها القران لا تستلزم الاختلاط والمصاحبه في المكان وانما تدل على مطلق مصاحبته ثم تفسر في كل موضوع بحسبه. Donc il ne fait aucun doute que le premier qawl, c'est-à-dire que Allah mélange à sa création, le siyak n'amène pas à cela, le verset n'amène pas à cela, sous aucun angle. Pourquoi la ma'iyya, lorsqu'elle est apparentée à Allah Azzawajal, attribuée à Allah Azzawajal, il est certain que Allah est plus grand et plus immense qu'il ne soit entouré par quoi que ce soit de sa création. Ça, ce n'est pas possible. Et que la ma'iyya, en langue arabe, qui est venue dans le Coran, n'implique pas justement un mélange avec la création en tout lieu. Vous voyez ? Mais cette ma'iyya est expliquée en fonction du contexte de la phrase. Du contexte de la phrase, c'est-à-dire du verset là. Wa tafsir ma'iyyati Allah ta'ala li khalqihi bima yaqtadi al-hulul wal ikhtilat batil min wujuh. Et bien sûr, le fait de dire que la ma'iyya, c'est le fait que Allah est dans sa création, cela c'est batil. Cela s'oppose à tous les autres textes ou ayat muhkama. Allah, comme nous l'avons dit, à l'arrache moustawin. Ça, c'est ma'rouf. Donc là, parmi les choses qui réfutent le fait que Allah soit avec nous, Al-awwalu an mukhalifu l'ijma'i salaf, fama fassara ahadun minhum bidhalika, bel kanu mujma'in ala inkarihim. Bon, premier lieu, c'est que cela s'oppose à l'ijma' des salaf. Il n'y en a aucun qui a expliqué la ma'iyya de cette façon-là, que Allah est dans sa création. الثاني انه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنه والعقل والفطره واجماع السلف وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي على وعلى هذا فيكون تفسير معيه الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنه والعقل والفطره واجماع السلف. Donc le deuxième, cela s'oppose à quoi? Au ulou illah, sifat ulou. C'est sifat qui elle-même est affirmée avec le kitab et la sunnah, et par le haqq, et par la fitra, et par l'ijma' des salaf. Donc cela ne peut être expliqué comme étant al-hulul et la présence d'Allah dans sa création. Ça c'est batil. Al-thalith, anu mustalzimu lil-lawazim batila la taliku billahi subhanahu wa ta'ala. Cela implique des choses qui sont fausses. C'est-à-dire que Allah est mélangé à sa création. Cela implique des choses qui sont fausses. Wa la yumkinu liman arifa Allah يعرف الله تعالى وقدره حق قدره عفوا ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حلا في أمكنتهم فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلى جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب عز وجل. Donc il est impossible que toute personne qui aura connu Allah عز وجل et qui l'aura estimé à sa juste valeur puisse dire que Allah est mélangé à sa création. Et que le ma'iyya en langue arabe, celle par laquelle est descendu le Coran, implique cela. Celui qui dira cela, c'est forcément un jahil. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق الحق هو القول الثاني. Donc maintenant, une fois qu'on a vu le faux, qu'est-ce que cela inclut? Que la bonne parole, c'est la deuxième parole qu'on a prise au début. C'est-à-dire que Allah est avec sa création, comment? Par sa science, et par sa vue, et par son oui, et par son autorité, par son contrôle. Adahu. هو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا ولذلك مما تقتضي ربوبيته تقتديه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه كما قلت له وهذا وظاهر الآيتين بلا ريب لأنهما حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا explication qui ne fait aucun doute car l'apparence de la vérité ne peut être qu'une vérité et كذلك il n'est pas possible que le Coran amène un kufr en apparent abadan cela n'est pas possible وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية مجموع الفتاوى après c'est l'écart de الشيخ الإسلام par rapport à ça ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال الله تعالى يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها لقوله وهو معكم أينما كنتم donc cette معية ces règles diffèrent en fonction justement de la formule employée du contexte dans le sens où Allah dit il sait ce qui sort de la terre ce qui rentre dans la terre ce qui en sort Et à la fin, il dit, il est avec vous où vous soyez. Donc, le verset commence par quoi ? Ya'lamu. Il sait. Ilmullah. Dalla zahir al-khitab ala anna hukm hadhihi al-ma'iyya muqtadaha annahu muttali' alaykum, shahidun alaykum, wa muhaymin 'alim bikum. Wa hadha ma'na qawl al-salaf annahu ma'ahum bi'ilmihi. Donc, cette ma'iyya, c'est ça qu'elle inclut dans le verset. Que Allah sait ce que vous faites. Qu'il est témoin de ce que vous faites. D'accord ? Et cela par sa science. Et ça, c'est là-dessus qu'étaient les salafs. Qu'il est avec vous par sa science. وَهَذَا ظَاهِرَ الْخِطَابُ وَحَقِقَتُهُ وَكَذَلِكَ فِي قُولِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَبِيعُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا Également dans sa parole, dans le sens où il dit et qu'il n'a pas d'entretien secret entre trois sans qu'il ne soit le quatrième. Jusqu'à ce qu'ils disent, il est avec vous où que vous soyez. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا. كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنص والتأييد. Lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit à son sahib, c'est-à-dire Abu Bakr, ne sois pas triste car Allah est avec nous. Quelle présence là est voulue ? Une présence de secours, de soutien. D'accord ? Et que Allah sait ce qui vous arrive, qu'il vous soutient. Ça, c'est le ma'iyya al-khassa. Et non pas que Allah est dans la caverne avec nous. Naam. ثم قال فاللفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضيع يقتدي في كل موضع أمورا لا يقتديها في موضع آخر. Que le terme de ma'iyya que Allah est avec toi dans le Coran et la Sunna est venu de différentes versions et chaque version implique ce qui lui convient. Tamam, le terme ma'a à la base c'est un zarf makan comme on l'a pris dans la jalomiya et ce terme ma'a tamam lui-même a différentes façons d'être employé. Donc tu décernes ou tu arrives à trouver le sens de son emploi comment ? Par la formule employée. Le contexte de la phrase. فَإِمَّا أَن تَخْتَلِفْ دَلَالَتُهَا بِحَسْبِ الْمَوَادِعِ أَوْ دَلَّ عَلَى قَدْرٍ مُشْتَرِكٍ بَيْنَ جَمِيعِ مَوَارِدِهَا وَإِنْ امْتَازَ كُلُّ مَوْضِعٍ بِخَاصِيَّةٍ فَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَيْسَ بِمُقْتَضَاهَا أَن تَكُونَ ذَاتَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ مُخْتَلِطَةً بِالْخَلْقِ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صُرِفَتْ عَنْ ظَاهِرِهَا انتهى كلام الشيخ الإسلام. Donc ça revient à ce qu'on vient de dire à l'instant. Que chacun des mawadi' ou employé le terme ma'iyya, chacun lui-même en fonction de sa formule. Bien qu'il y ait un terme mushtarik commun entre eux, mais chacun doit être employé selon son contexte. Et quand il s'agit du zat d'Allah Azzawajal, bien évidemment, il ne peut être dans sa création. Il ne peut être dans sa création à tel point que les gens vont dire, vous avez changé l'apparent de son, le texte de son apparent. On dit non. Est-ce que tu sais ce que veut dire quoi ma'iyya à la base ? Pour dire que c'est une chose apparente ou pas apparente. Toi d'abord, comprends ce que veut dire ma'a. al-ma'iyya dans le Coran comme elle est employée, et après tu pourras te permettre de dire cela. Et nous, ce qu'on a fait, on n'a pas sorti de, son apparent. On l'a gardé selon l'apparent, mais son apparent, toi, tu ne l'as pas compris. Ava. Taïb, c'est naqifuna al-yom. Inch'Allah. On se voit aussi la Aden. Là, ce force-là par rapport à al-ma'iyya, il est un peu long. Et on finira demain, Inch'Allah. Ta'ala. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين